Bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour ma chronique. Donc cette semaine, mon coup de cœur est La théorie Gaïa de Maxime Chattam. Donc ce livre fait partie de la tétralogie du cycle de l'homme et de la vérité. Donc tétralogie dont je vous avais déjà parlé la semaine dernière, puisque je vous avais déjà présenté le tome 1, Les Arcanes du Chaos. Donc cette semaine, je vous présente le tome 3, La théorie Gaïa du coup. Donc je reprécise qu'il n'est pas obligé de lire la série dans l'ordre pour ceux qui auront envie de la lire, car chaque histoire, enfin les histoires n'ont aucun lien entre elles. Donc vous pouvez lire un petit peu comme vous voulez, voilà, c'est comme vous voulez. Bon, je vais vous lire le résumé. La Terre dans un futur proche. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Multiplication des catastrophes naturelles. Instinct de prédation en pleine recrudescence, accroissement exponentiel des tueurs en série. La planète se meurt et nous sommes son cancer. L'humanité est son propre virus. Appelé d'urgence par la Commission européenne, un couple de chercheurs prend conscience du chaos qui s'annonce. Dans un monde livré aux éléments, où toute la violence de l'homme semble éclater soudain, le secret d'État se révèle explosif, inavouable. Survivront-ils ? Survivrons-nous ? Donc déjà, si vous cherchez un très très bon thriller, franchement, lisez-le, absolument ce livre. Si vous cherchez un livre avec quelques petits détails, quelques détails qui vous font dire, heureusement que j'ai mangé avant de lire ce livre, parce que franchement, vous auriez pu faire après. Et oui, aussi, je déconseille fortement ce livre au moins de 13-14 ans, parce qu'il y a quelques passages, franchement... Voilà quoi, c'est assez gore, je vais vous en lire un petit passage pour vous illustrer mes propos. Elle respirait à peine. L'auréole de lumière se déplaça et Emma retient un cri. C'était un être humain qu'on avait pelé comme un fruit. Sa peau formait un monticule de lambeaux sanguinolents par terre. Et à présent, tous ses muscles, son système nerveux et veines étaient exposés à l'air. Le sang s'évadait par des dizaines de gouttelettes qu'une bâche en plastique disposée sous la victime orientait vers un seau. À cette distance, il était impossible d'affirmer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Emma s'approcha, vacillante. Elle se prit les pieds dans un de ses vêtements et les repoussa avant d'être prise d'un terrible doute. Elle les connaissait. Se pouvait-il que cet homme soit ? Voilà. Donc, si vous voulez... Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui vous donneront envie de manger, on va dire. Hein, voilà. Et enfin, si vous cherchez un livre à lire le soir avant de dormir pour faire des beaux rêves, eh ben c'est bon aussi, moi je dis. Là, vous en ferez plein. Ah, je vous assure. Et sans transition, on passe aux deux, trois petites choses utiles à savoir. Donc, le livre a été publié en 2008 chez Albin Michel. Il est en format de poche. Il y a un peu plus de 500 pages, je crois, pour ceux que ça intéresserait. Et l'auteur est français. Enfin, un bon auteur qui est français, parce que généralement ils sont tous américains ou anglais, ce qui est un peu embêtant des fois. Voilà, voilà. Bien, c'était Aurélien. J'espère que vous passerez une bonne semaine. Et à lundi prochain. Au revoir.